passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'émission 234 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Bonjour Léna. Bonjour Pierrot. La forme? Bah oui, j'ai l'impression que toi aussi. Ah ouais, ouais, ouais, j'ai la patate. Bah, dès que je suis là, juste avant, je peux être endormi sur un tapis volant. Et là, dès que j'arrive ici, tout va bien. C'est un tapis volant. Ah ouais, bah c'est... Très bien. On donne l'image qu'on a envie de donner ou imaginez l'image que vous voulez. Oh là là, que dis-je? Qu'est-ce que tu as prévu de beau au programme cette semaine? Eh ben moi j'ai majoritairement une sélection plutôt shoegaze aujourd'hui. Enfin pas exactement, mais on partira quand même sur du vaporeux, de l'entêtant. Il y aura aussi du shoegaze avec un premier groupe bordelais plutôt post-rock, suivi d'un groupe d'indie rock de Los Angeles. Ensuite, je vous ferai écouter une chanteuse majeure de la scène world music des années 90. Ensuite, il arrive, il est là, mon petit groupe shoegaze de Philadelphie. Et puis, on terminera, si on a le temps, avec le dernier single de Forever Pavo. Super, oui, c'est vrai qu'il vient de sortir un nouvel album. Mais en 10 ans, pas plus. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Non, toujours chez Born Bad. Exact. De mon côté, on va écouter la dernière sortie du label Karma Chief. On va également écouter un groupe qui aurait comme parents The Fall et LCD Sound System. Oh là là. Oh là là. Ça serait un enfant drogué, peut-être. On va écouter... Ensuite, de la Synthetic Wave Pop 3.0, j'en avais parlé la semaine dernière, on n'a pas le temps de le passer, on le passe. On va écouter un groupe de Toronto qui est toujours là. Toronto. Voilà, il y a des... À Toronto, ils parlent anglais, c'est les anglo-saxons. Oui. Bon, je sais pas, c'est pas... Ok, d'accord. Non, c'est parce que Toronto, tu l'as fait avec l'accent québécois. Ah oui, oui. Oh là là, et on fait les fines bouches. Alors, ils n'ont pas le droit de le dire, Toronto, les gars. Ils ont le droit de le dire comme ils veulent. Bah voilà. Et oui, ils ont le droit. Bien sûr, tout le monde a droit, nous aussi, Toronton. Je le dis comme je veux. Philippe Toronton. Allez. Et dernier morceau, pour ma part, un groupe texan qui a bon look. Ah, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais bon. Je pense qu'il y a un petit jeu de mots quelque part. Exact, peut-être juste une traduction. Une traduction, tout simplement. Alors, mon premier groupe s'appelle Tiss. Ils sont bordelais, et non pas beaujolais. Ils ont signé sur Flippin' Freaks depuis la sortie de leur premier album en 2021. Là, c'est leur deuxième qu'on va écouter, qui est sorti en octobre dernier, donc octobre 2022. Bah dis donc, et tu veux me couper la chic? Non, c'est le... C'est pas moi. Voilà. Alors, c'est un peu plus sombre que le précédent album. Là, on est plutôt tourné vers du post-rock. C'est ce que je disais dans mon introduction. Donc, je te propose d'écouter un morceau issu de cet album qui s'appelle « Thé à la menthe ». Pas l'album, le morceau. Voilà, tout de suite c'est Tiss dans Goodbye Kevin. C'était les Bordelais de Tiss avec le morceau Thé à la menthe. Par contre, je me rappelle pas du. J'ai pas noté le nom de leur album, tiens. Deuxième album. Noté le nom de l'album. Ouais, bah. Mais ouais, j'ai dit sur quel label c'était sorti, mais j'ai pas dit le nom de l'album. Je l'ai, Trauma. Trauma, voilà. Voilà, c'est dit, c'est voilà. Dit. Eh bien, on enchaîne un style bien différent, mais pas. Ou pas bien, pas mauvais. Pas, hein? Ok. C'est les Say Shishi. Trop de nom, vous me direz. Eh oui, c'est normal, c'est des Américains et les Américains ils font n'importe quoi. Dernière sortie chez Karma Chief. Karma Chief qui est une sous-branche de Coal Mine Records, un label plutôt soul. Et là, bah, c'est un groupe féminin de soul, même discodélique, on pourrait dire, qui nous propose des aspects, des harmonies oniriques et aussi des chansons assez accrocheuses et très groovy. Alors, ça veut dire quelque chose, dans les chanteuses, on retrouve Pia Malik. Ah, qui est avec Michel Affaire, non ? Exactement, ah, et ouais. Qui est également choriste chez les Chicano Batman. Donc il y a deux autres chanteuses, que je ne vais pas citer, mais en tout cas c'est ça qui fait la force quand même de ce groupe, c'est ces trois voix qui s'entremêlent, et trois voix avec du caractère. Et elles sont soutenues par un band qui est assez costaud et très funky, soul, quoi, dans l'ambiance Coal Mine. Donc ça c'est chouette, l'album il s'appelle Prism. Prism, c'est pour ça, ça tombe bien, on écoute le morceau Prism des Say Shishi. Patterns of mind, merging to sight. Oh là là, mais c'était c'est chichi. Oui, tout à fait, Pierrot. C'était le morceau Prisme dans l'émission de Goodbye Kevin sur Radio Campus. On enchaîne avec Goon. Goon, qui est un quartet indie rock basé à Los Angeles, mené par Kenny Bakers, qui est également peintre, figure-toi, Pierrot. Alors lui, c'est marrant. Bah non, c'est pas marrant, du coup, parce qu'il est atteint d'une maladie rare qui neutralise. Pardon. Tu m'as dit non. Et bah, c'est marrant parce qu'en fait, il a un cancer. Non. Du coup, bah, non, mais c'est lui qui a fait la pochette. Je crois que oui. Ah. Donc lui, en fait, il est atteint d'une maladie rare qui neutralise son odorat et son ouïe de manière épisodique. Et du coup... Bien avant le Covid, quoi. Ouais. Quand l'ouïe, non, il n'y avait pas le Covid. Il y a l'ouïe aussi. T'imagines ? Et parfois aussi le goût, ça va jusque-là. Ah. Mais du coup, il en souffre pas mal. Mais il s'en sert aussi pour créer ses peintures et sa musique. Et t'as parfois ce côté nostalgique dans ses musiques. Et puis, alors, dans ses peintures, je ne suis pas allée voir... qui fait un peu écho à la perte de l'usage de quelque chose qui t'a été, enfin, dont t'as normalement usage et que, tu sens de manière très familière, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Qu'on a ressenti tout au long de notre vie et puis qui d'un coup disparaît. Tu sais que ça va revenir, tu sais pas quand. Ah, ça et revient. Il y a, oui. Mmh. C'est, enfin. Passager. Voilà, exactement. Temporaire. C'est par épisode. Ah ok. Épisodique. Voilà, quand même une bonne série. Bref, c'est assez sympa à écouter et moi je te propose d'écouter plusieurs morceaux, enfin deux, sortis sur deux albums qui sont sortis en 2022 sur le label Demodé Recordings. Donc le premier morceau s'appelle Flower Bell, il est issu de l'album Red Ladder, c'est le dernier en date il me semble. Et le deuxième morceau qu'on écoutera s'appelle Angel Number 1210 et lui il est sorti sur l'album précédent Hour of Green Evening. Voilà, c'est Goon tout de suite. We'll be right back. C'était Goon. Voilà, voilà. Peut-être que s'il reste du temps, enfin l'émission, on pourra réécouter notre dernier morceau. Je ne sais pas. On verra bien. C'est des petits morceaux de 2 minutes à peu près. Beaucoup d'instrumental. C'est cool. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est une atmosphère assez douce. Bah voilà, ça te met bien, ça te met tranquille, tu vois. Ça te met tranquille, voilà. Posé. Un peu, alors que le groupe suivant, qui s'appelle Dead Letter, Dead Letter, lettre morte, on ah va dire oui, ça. Oui. C'est un groupe qu'on pourrait plutôt qualifier de post-punk, ils sont originaires du Yorkshire. Et maintenant, ils sont enracinés dans le sud de Londres. Voilà. Sont montés à Londres, oui. Comme nous en France on monte à Paris, oui. Hein, pour avoir du succès. Je dis n'importe quoi. Donc les Dead Letter, comme je disais en introduction de cette émission, c'est un mélange entre The Fall et les rythmiques déséquilibrées des LCD Sound System pour donner l'ambiance. Et ça c'est cool. La petite anecdote, les membres du groupe, bah, ils sont tous amis d'enfance, ouais. Donc ils se connaissent, voilà. Ils se connaissent bien bien bien, bien, bien, bien. C'est tout. Et donc pour le moment ils ont que 4 singles à leur actif. Donc ça avance tout doucement, tout doucement. Ils sont même en after work, en concert, au grand mix en juin. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit. Et nous, on va écouter deux de ces 4 singles. On va écouter Binge en premier et Hero. Et vous allez voir, c'est plein d'énergie, c'est assez cool. Franchement, à suivre les Dead Letter. Mm-hmm. Well, I'd had a rough day and my head was a shed. My boss stole my promotion, gave it some wasp instead. I just wanted some notice, wanted someone to say. In the nick of time you saved all your sweethearts that day. And it burns. Place alight and headed straight for the canal. I somehow burnt my hands while adding spikes to my shebang. I heard the engines wailing and my mistake soon dawned. I should have been back home to keep my sweetheart from harm. And it burns. It burns to get the iodine, please. I'm begging God to take me from this horror movie scene. It burns, it burns, it burns to get the iodine, please. I'm begging God to take me from this horror movie scene. And all the in-between, the face upon the brigadiers who attended the scene. We have not once into the call to such a traumatizing scene. You know it burns. It burns, it burns, it burns. Like a Christ, how it burns. Well, they read my rights to me before they sent me to my cell. If they only knew what I had planned that night to go so well. Wanted to be a hero and that feeling's never gone. I killed my wife, I love her, our sweet daughter and her son. And it burns. To get the iodine, please. I'm begging God to take me from this horror movie scene. It burns, it burns, it burns to get the iodine, please. I'm begging God to take me from this horror movie scene. Les Dead Letter, oh là là, on va pas les laisser lettres mortes, hein. Oh là là, oui, non. Qu'est-ce qu'on non. les aime. Bah oui, c'était pas mal, surtout le deuxième, là. Oh là là, ouais, je crois que le deuxième, c'est pas le plus récent. Mais c'est toujours ça, hein, les premiers singles, c'est plein d'énergie. Et donc le premier morceau, c'est un dernier. Bon, bref, très bien, tu m'as compris. On s'est compris. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. De rien. Alors, on enchaîne avec Natacha Atlas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse belge. Professeur d'histoire géo. Exactement. C'est une chanteuse belge d'origine égypto-anglaise qui s'est fait connaître en chantant notamment dans le groupe Transglobal Underground dont je vous avais déjà parlé dans l'émission et également sur un album de Ja Wobble qui a dû produire après des petits morceaux qu'elle a sortis. Bref, là on vous parle d'un temps qui se passe en 90, à la mi-90, non voilà, puisque son tout premier album est sorti en 95 et c'est un extrait de cet album là qu'on va écouter. Sorti en 95 sur le label Nation Records et du coup ce premier album s'appelle Diaspora. Moi c'est un album qui a bercé toute mon enfance, voilà, vous savez tout. Et donc du coup le morceau qu'on va écouter s'appelle Fun Does Not Exist, même si on sait hein, en fait que si, le fun ça existe. Bref, Natacha Atlas sur Radio Campus Hill et dans Goodbye Kevin. Merci Pierrot. Fun baby. ever exist. Phone baby does not exist. Voilà, c'était Natasha Atlas avec ce morceau-là. Fantastique. On retrouve bien le son années 90, un peu trip-hop, tout ça. Mais... C'est exactement ça, c'est le voilà. C'est tout ce côté-là, tout ce... Voilà. Si vous avez bien aimé, allez écouter Transglobal Underground, allez écouter un peu toutes ces artistes, Jawobble et compagnie. C'est vrai que c'est top, top, top. On va partir, on va écouter un truc bien différent, complètement différent. Okay, je te le dis, meuf. On va écouter Eloi. Ah ouais, Hello, carrément, celle qui a repris... Non, tu dis pas, c'est ma présentation, d'accord, je vais le dire okay, à la fin, ouais, ça. Okay, oh là là, c'est ton groupe ou c'est mon groupe? Vas-y. C'est mon groupe. Eloi, on va écouter le morceau Soleil Mort, extrait de l'EP Pyral. C'est dur à dire les mots. Tout à l'heure, j'ai eu Prisme, Pyral. Pyral, c'est quoi, Spiral? Non, c'est pas... c'est Pyral. C'est Pyral, okay, ouais, okay, mais okay, c'est d'accord. Très dur de pas dire Spiral, effectivement. Okay. Donc Soleil Mort, issu de l'EP Pyral, chez Novembre Éternel. Et c'est une artiste française qui est à mi-chemin entre le synthétique wave et la pop française 3.0. C'est très novateur, très kiffant. Et à noter, comme tu le disais, Léna, sa reprise assez osée, mais expérimentale, de Je t'aime de ouf de Weshden. Voilà. Et elle est pas mal. Après, c'est vrai qu'elle est pas mal. À la base, cette chanson de Weshden, elle est pas si mal. C'est tout. On écoute Soleil Mort d'Eloi. Là, j'espère que ça a plu à tous nos amis du Pas-de-Calais, fans de tuning. Ah bah c'est ça, clair. Tu mets ça dans ton pas de caisse, Et après t'enchaînes avec Salut c'est cool. Salut c'est cool, ouais, c'est très boum boum, c'est extraordinaire. Et puis ça reste mélodique, non, ouais, mais c'est efficace. Cool, c'est cool. Fais du bien. Cool. Hein, exact. On enchaîne avec pas du tout la même chose, mais c'est bien, c'est ça aussi l'important dans cette émission, c'est le choix, l'éclectisme, la diversité. Le mélange. Exact. Hein, c'est pas vos petites playlists où ça s'enchaîne bien là, ici. Hein. Pardon, ah non, on est désolé. C'est bien que vous soyez là, restez. Pourquoi on les agresse? Pourquoi je les agresse? Exact, moi je prends pas la responsabilité. Ah non, désolé, non mais vous êtes bien là, continuez. Alors, pardon. On enchaîne avec They Are Getting a Body of Water, qui est un groupe de shoegaze expérimental de Philadelphie qu'on appelle aussi, pour aller plus vite, Tagabo. C'est le sigle, en fait. C'est, voilà, toutes les majuscules du... Enfin, le sigle, je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un sigle. Hein ? Oh là là, l'agressivité, là, c'est dingue. Ah ouais, ouais. Là, on est sur du... Ben, je pense que c'est peut-être ta chanson. Hein. Ah oui, ça rend fou. Et là, ça rend zinzin. Ah là, c'est... Elle est retraite, Macron, tu les en tires direct. Putain, 19 janvier, allez, la semaine prochaine, alors. Dans la rue. Bref, qu'est-ce que là on est sur du shoegaze, un peu dark, aux mélodies assez changeantes et parfois portées par une espèce de synthé sous hélium, genre un peu Bah ouais, ça fait un peu jeu vidéo. Non mais oui, voilà, un synthé très aigu. Je sais pas comment l'expliquer. Nous on va écouter un extrait de leur dernier album qui est sorti en octobre, qui s'appelle Lucky Style, mais qui est référencé sur Bandcamp et sur les autres plateformes de streaming sous le nom S. Voilà. Alors je sais pas trop comment il s'appelle cet album au final. Je crois que c'est Lucky Style ou S. Bref, moi j'ai beaucoup aimé cet album. Je l'ai trouvé que ça se rapprochait beaucoup de l'album Deceiver de Div. C'est pour l'ambiance. Ouais. Aussi d'un truc qui s'appelle un groupe japonais psyché, Monk Tong, que j'avais déjà passé dans l'émission pour les synthés là. Et puis l'odeur que t'as passé il y a pas longtemps. Ouais, l'odeur. Ouais. L'odeur. L-A-U-N-D-E-R. Ouais, l'odeur du coup. Bref, moi j'ai vraiment bien aimé, c'est un peu un petit coup de cœur, j'ai eu du mal à choisir, mais j'ai décidé de vous faire écouter le morceau qui s'appelle Behind the Waterfall, tout de suite sur Radio Campus. Ah ah ah, nous revoilà. Nous revoilà, nous revoilà. On a été surpris parce qu'on était dedans, dans le morceau. Ah, voilà, ça rigole. Voilà, du coup, c'était They Are Gutting a Body of Water avec le morceau Behind the Waterfall. Désolé, hein, ça sature beaucoup, mais c'est cool. C'est du showgaze. Ça nous a pris, hein. Ça nous a pris. En introduction, je présentais ce groupe de Toronto qui est toujours là. Parce que ça voulait rien dire. C'était il y a une heure, on te pardonne, Pierrot. Je voulais bien sûr parler du groupe Always. Ah oui, Always. Always, oui, parce qu'il y a deux V, ouais, on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop, hein. On sait pas trop. Donc, après 5 années d'absence, quand même, hein, je pensais que ça faisait moins longtemps, eh ben, Always, ils ont effectué un retour avec un troisième album qui s'appelle Blue Rave, chez Celsius Girls. Donc, leur second album leur avait permis de solidifier leur réputation sur la scène indie. Oui, oui. Actuel. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça qui les a mis en avant. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, cet album, ils l'ont réalisé avec Sean Everett, qui avait produit notamment et réalisé l'album The War on Drugs. Info importante, vous verrez par la suite. Et donc, en fait, Blue Rave, ça fait l'équilibre entre la pop rock, la pop rock accrocheuse, avec une esthétique rétro et une production complexe. Blue Rave, j'ai précisé que c'était le nom de l'album. Oui, oui. Ouais, pardon. Ça me fait peur. Donc en fait, il y a ce côté, on veut retrouver le rétro, il y a une production beaucoup plus lourde où ça expérimente un peu plus, mais on reste sur des morceaux très accrocheurs. J'ai répété la même chose, mais d'une manière différente. C'est vrai, mais c'est mieux passé là. Et donc globalement, on est un peu sur la même recette qui a fait la renommée des War on Drugs. Sauf que cette fois, on est dans l'indie pop. Ok. Et donc, maintenant, il est mondialement connu, hein, ce groupe. Il n'y a pas besoin de... Hein, ça se trouve, vous le connaissez, vous aussi, derrière votre poste. Mais on va écouter deux morceaux quand même. On va écouter After the Earthquake et Pharmacist, qui sont, pour moi, les deux morceaux phares. Say, come to play out. Au revoir, on va enchaîner avec le dernier single de Forever Pavot, Au Diable. Au revoir Pierrot, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et non, c'est pas le bon morceau.